d'où j'ai mangé de l'autocar, avec ses jantes, avec ses phares. Ensuite j'ai fumé une berline aux pures essences raffinées de benzine. Paris, j'aime ton gasoil, l'odeur de ton excitation moteur. Paris, tu es la capitale, la lettre P en sonore initiale. Car tu sens si bon l'été, sous ta chape de plomb soufré, que j'ai l'inspiration fatale. Tu seras toujours romantique, même au temps des pics qui goudronnent tes monuments. Ils font pleurer tous les yeux des amants. Dadum didum fagadidum dadidi fagadibadibidi yedum fandrium dandrium fagadidum dadidi padadadabadidi. On a souvent chanté tes ponts à coups d'excès d'accordéon. Aujourd'hui voilà que ces flonflons vont louer tes pics de pollution. Avenue de Bel Air ou sur les quais, on voudrait respirer en paix. Quand on sait que tes gars sont fatales, ça fait sourire ce P en initial. Car tu sens si bon l'été, sous ta chape de plomb soufré, que j'ai l'inspiration fatale. Tu seras toujours romantique, même au temps des pics qui goudronnent tes monuments et font pleurer tous les yeux des amants. Dadum didum faigadidum dadidi fadabedabididi yedum pandibididum dandibididum faigadidum padidum didibidibididum. Un P comme pas vu, pas pris, et A comme atmosphère, un air comme le bon air de Paris. I, c'est l'asphyxie, et S, vraiment bon esprit, de nous faire inhaler ainsi, parmi tes voix et tes allées de si dangereux fumée. Car tu sens si bon l'été, sous ta chape de plomb soufré, que j'ai l'inspiration fatale. Tu seras toujours romantique, même au temps des pics qui goudronnent tes monuments et font pleurer tous les yeux des amants. Dum da di dum fake di dum da di di pidi di di pidi di yedum pandi pidi dum pabidi dum fake di dum da di di pidi di pidi di di. Tout j'ai mangé de l'autocar, avec ses jantes, avec ses phares. Ensuite j'ai fumé une berline aux pures essences raffinées de benzine. Paris, j'aime ton gasoil, l'odeur de ton excitation moteur. Paris, tu es la capitale, la lettre P en sonore initiale. Car tu sens si bon l'été, sous ta chape de plomb soufré, que j'ai l'inspiration fatale. Tu seras toujours romantique, même au temps des pics qui goudronnent tes monuments et font pleurer tous les yeux des amants. Dandibidium dadibidium fakididum dadidou fadabedabedidi yedum fadibidium dadibidium fakididum dadidou didididididididim pocketotim.